en 6 heures. Bonjour Christina Ferrière. Bonjour. C'est un aparté avant de commencer l'émission. Comme hier, vous nous disiez que vous traduisez de l'anglais et du tchèque. Et si je vous demandais de traduire mon sommaire d'aujourd'hui en langue tchèque. Alors, on y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En tchèque. En tchèque. Dobrý den. Nous sommes le mardi 17 mars. Dnes je úterý 17. března. Un autre jour est possible. Jiný den je možný. Ah bah pas mal. C'est votre réveil culturel. Merci d'être de plus en plus fidèle à l'émission, soit en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr, soit en nous écoutant en direct. Dans un instant donc, notre série avec Christine Laferrière, deuxième épisode de Traduire, être soi dans l'ombre d'autrui. Et pour mon invité culturel tout à l'heure, eh ben ils seront deux. Il s'agit de Philippe Gaillard et de Ibrahim Sissoko pour un spectacle de musique et de danse qui a lieu en ce moment à Paris au théâtre du Ranelagh en filigrane, la rencontre entre musique et danse. Mais tout d'abord... Mama Mninka neví, ani vědět nesmí, za kým mé srdenko... Vedně v noci teskní. Als wäre es der junge Mann, den mir sie backen vollen hat. Těžko jeně, těžko. It was very imprudent of him. Na mojem srdénku, jak by něho svázal hedvábnou šňůrečku. But when Barry saw the splendor of the chevalier's appearance, the nobleness of his manner, he felt it impossible to keep disguise with him. Tête chercheuse toute cette semaine avec Christine Laferrière, traductrice. Traduire, être soi dans l'ombre d'autrui. Aujourd'hui, deuxième épisode, les travailleurs de l'ombre. Comment justement on travaille ce jeu entre être soi, pour reprendre le titre de la série, avec ses propres codes, hein, c'est les codes de la langue française, et pourtant devoir rester à l'ombre du texte qu'on est en train de traduire. Disons que je pense qu'on peut répondre en évoquant les différents motifs pour lesquels on a envie de traduire. C'est-à-dire que lorsque l'on s'attaque à un texte qu'on va donc rédiger dans sa langue d'origine, puisque le traducteur traduit vers sa langue maternelle, le traducteur littéraire, traducteur de littérature, on peut avoir envie, bien entendu, de se dire qu'il serait génial que tel livre paraisse en français parce que le paysage français le mérite et que ça lui apporterait un plus incontestable. Et il y a aussi le fait qu'on va baigner dans les langues et que voilà, un traducteur aime les langues, même si la question de la langue est loin de représenter tout le travail. Et puis il y a aussi le fait qu'on va rester dans l'ombre pour travailler parce qu'il faut qu'on fasse un travail de recherche énorme. Et que ce travail de recherche, eh bien, il ne doit pas apparaître dans le résultat. C'est-à-dire que le lecteur n'a pas à savoir quelles affres nous aurons souffert et quelle quantité de dictionnaires nous aurons compulsés pour aboutir à cette phrase ou à ce résultat. Et ça dure longtemps, généralement, pour avoir une idée. Christine Laferrière, par exemple, le dernier roman de Toni Morrison que vous avez traduit, ça vous a pris combien de temps ? Alors, écoutez, c'est difficile de répondre parce que comme j'enseigne en même temps, il y a des plages, il y a des moments durant lesquels je traduis peu ou pas, ou durant lequel je résous seulement certaines questions une par une. Et puis les plages des vacances scolaires, par exemple, sont quasiment intégralement consacrées à la traduction. Donc je ne pourrais pas vous donner de temps moyen, ça dépend un petit peu du calendrier. Le dernier roman de Toni Morrison, j'avais dû mettre 6 mois, donc en sachant que ces 6 mois sont naturellement loin d'être tous occupés pour la traduction. C'est-à-dire 6 mois être habité par le roman de Toni Morrison, en quelque sorte. Oui. Donc là aussi, finalement, on est dans l'ombre quelque part, mais on est envahi finalement par ce texte. Il faut aimer, je pense, se laisser envahir en tout cas. Bon, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je ne parle que pour ma modeste personne, mais oui, il faut vivre avec ce texte. Alors, pendant les moments où je me fais qu'enseigner, où je traduis peu ou pas, évidemment, le texte est un petit peu en sourdine, mais il est là quand même. Hein. Il n'y a pas de départ. Hein. Je continue à en rêver la nuit, je continue à voir comme ça des phrases qui viennent. C'est assez amusant, mais l'intensité n'est pas la même. Quoi? Comme pour l'écriture, il faut être inspiré pour traduire. Je crois qu'il n'y a rien de moins spontané que la traduction, finalement, parce qu'on se soumet, c'est un point, je crois, qu'on va réévoquer plus largement demain. Mais il faut être inspiré, je crois qu'il faut surtout maîtriser la langue et se laisser maîtriser par le texte original, quelque part. Mais être inspiré, s'il faut parvenir à découvrir la trouvaille, oui. Il faut mieux être inspiré, mais cette inspiration ne tombe pas du ciel. Il faut un substrat de connaissances, il faut un substrat de culture, et surtout, surtout, avoir la modestie et l'humilité de chercher lorsqu'on n'est pas sûr ou lorsque l'on voit que. Il faut toujours vérifier. Alors, en quoi consiste ce travail de l'ombre ? Pour moi, oui. Je ne réponds que pour moi. Mais écoutez, ce travail pour moi consiste en fait à retrouver dans ma langue ce qui a été exprimé dans une autre. Donc au recours de procédés grammaticaux qui sont parfois, je pense à l'anglais, tout à fait à l'inverse de ceux qui sont utilisés en français. Et donc c'est effectivement fondé sur la conception de langue comme autant de façons pour l'être humain d'exister, puisque chaque langue accompagne un système de pensée différent et vice-versa. Pour moi, peu importe de savoir quelle chose préexiste à l'autre, si c'est le langage, la langue ou la pensée, peu importe. Mais pour moi, il s'agit d'une réconciliation parce que je sens une opposition autant qu'une complémentarité entre le français et l'autre langue d'origine. Et il y a un conflit que je dois résoudre. Je pense toujours à la phrase qui résiste, c'est une locution qu'on emploie, et pour moi, traduire, ça signifie que j'obtiens la résolution d'une tension. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi ce plaisir infini qui consiste donc à être dans les langues, à sortir de soi pour rentrer dans un autre système de pensée, dans une autre langue, et comme je vous le disais précédemment, être soi autrement. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir donc rédiger, comprendre, découvrir sans jamais s'exprimer. Donc vous baignez dans les langues et en même temps vous ne vous exprimez pas. Et je trouve qu'à l'époque actuelle où la spontanéité est érigée en fait en vertu cardinale et au mépris même parfois de la politesse la plus élémentaire, je trouve ça assez amusant de réussir à écrire dans un but qui n'est pas celui de s'exprimer, à chercher à apprendre des mots dans un but qui n'est pas celui de s'exprimer, à l'heure où je crois que l'utilitarisme à tout craint brandit toujours plus haut la bannière de la médiocrité intellectuelle. Alors, que traduit-on ? En fait, vous traduisez un texte, pas une langue, hein, vous traduisez un texte. Donc vous traduisez ce que l'auteur a dit, de préférence, de la façon dont il l'a dit, c'est-à-dire en respectant son style. Ce qu'il faut voir aussi, ce qui est plus ou moins intraduisible, ce à quoi il faut renoncer, c'est l'épaisseur, la texture de la langue, qui est quelque chose d'extrêmement agréable lorsqu'on a un accès direct et qu'on peut jouir de cette texture de la langue. Il va falloir tenter de la restituer au mieux par les moyens du français. Alors maintenant, la langue est ce qu'elle est, c'est-à-dire que la langue parlée, eh bien, lorsqu'un personnage parle de façon vulgaire ou de façon extrêmement relâchée, ben c'est ce qu'il aurait fait en français, donc je vais utiliser un français relâché par définition. Lorsque le personnage évoque des réalités historiques, ces réalités historiques, je vais les rendre. Donc non, je n'ai jamais été confrontée à cette situation où il aurait fallu en fait censurer quoi que ce soit au nom d'une politique éditoriale. Non, les textes que j'ai eus dans les mains étaient voués à être traduits de sorte à obtenir ce que l'auteur aurait écrit en français. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Qu'aurait-il écrit en français pour dire ça ? Et pourtant, vous le savez très bien, il existe des livres qui ont été traduits de différentes manières. Vous voulez dire concurremment ou au fil des âges ? Les deux, mon capitaine. Écoutez, mon général, je crois qu'au fil des âges, oui, c'est normal, tout déjà parce qu'on traduit pour ses contemporains, on ne traduit pas pour les enfants de 2300, hein, actuellement. Donc il est normal aussi qu'une traduction vieillisse, de même que la langue évolue. Donc on va essayer de faire au mieux pour que cette traduction soit adaptée. Et puis il faut voir adapter à celui qui va la lire, parce que les traductions, par exemple, qu'on aurait faites au XVIe siècle, les textes antiques, ne sont plus forcément adaptés au public d'aujourd'hui. Donc les gens vont vouloir avoir accès au hasard au texte latin dans un français moderne. Donc là, on va retraduire. On retraduit aussi lorsque l'on découvre des éléments nouveaux concernant le texte. Alors je pense... On a beaucoup parlé de la retraduction du Seigneur des Anneaux. Le premier traducteur ne disposait pas de tous les éléments. Donc il a traduit en fonction effectivement de ce qu'il savait. Maintenant, on a découvert d'autres notes, d'autres précisions fournies par Tolkien, dont il a été tenu compte pour la retraduction. Voilà, donc dans cette perspective-là, on retraduit. Maintenant, il faut voir que chaque traduction est unique, puisque la traduction, c'est la subjectivité assumée du traducteur. Dans la mesure où on ressent le texte, on lit le texte, on a chacun son bagage de mots, sa culture, et comment va-t-on prendre les choses. Vous savez, traduire « quand je m'en irai » et « quand je partirai » veut dire strictement la même chose. Ce n'est pas très important stylistiquement, ce n'est pas très réjouissant non plus, mais tout ça pour vous dire qu'une différence aussi infime fait déjà que le texte ne sera pas le même, traduit par deux personnes différentes. Donc, mais est-ce que le politiquement correct s'invite quand on traduit un texte? Je pense à l'exemple des Mille et une nuits. Hein, si on veut avoir le texte expurgé, on sait chez qui le demander. On passe par le traducteur, d'ailleurs. Et si on veut une version avec beaucoup plus de sexe, beaucoup plus d'ambiance et d'intrigue autour du sexe, on sait aussi où la trouver. Et ce sont deux versions, deux traductions, on peut le dire, différentes. Oui, mais les traductions expurgées sont beaucoup plus anciennes. Elles ont été réalisées aussi à une époque où tout ne s'écrivait pas. Là encore, on a traduit en son temps, on a estimé que le texte méritait d'être connu. Vous voulez dire par là, Christina Ferrière, qu'aujourd'hui, on peut dire tout et quand... On peut dire beaucoup plus. Mm-hmm. On peut dire beaucoup plus, bien sûr, oui, bien sûr, on peut dire beaucoup plus. Mais il faut voir aussi qu'on, voilà, tout ne se mettait pas sur papier, qu'on comprenait aussi beaucoup les choses à demi-mot, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui, puisque tout se dit. On n'a plus besoin de faire de sous-entendus, enfin, disons beaucoup moins. Beaucoup moins. J'ai l'impression que vous le regrettez, ce bon vieux temps où on pouvait comprendre à demi-mot. Je suis angliciste, vous savez. Et donc ? Oh non, c'est un des charmes de l'anglais, si vous voulez. C'est cet art permanent de la litote, du sous-entendu, de dire moins que ce qui est parfois. C'est... Voilà. On mise aussi sur l'intelligence d'autrui. On n'a pas besoin de tout lui étaler pour être sûr qu'il comprenne. Ça peut être un ressenti, c'est le mien, hein, ce n'est que le mien. Être soi dans l'ombre d'autrui. La série continue demain. Troisième épisode. À demain, Christina Ferrière. À demain. Of course, you will not know a word of English. And if the Chevalier asks as to the particularity of your accent, say you are a Hungarian. You served in the war. You left the army on account of weakness in the loins. You then served Monsieur de Quellenberg for 2 years. He's now with the army in Silesia, but you'll have a certificate. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil, the Lord said. on that day. So I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Il devait être deux ce matin. Bonjour Ophélie Gaillard. Bonjour. Et Ibrahim Sissoko n'est pas là. Et je suis seule, abandonnée. Abandonnée, il a été... arrêté quelque part entre chez lui et la maison de la radio, c'est ça ? Oui, oui, bah, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Bon, à certains plus qu'à d'autres, on va dire. Bah, mais... encore plus malheureusement. Alors, vous êtes sur scène en ce moment au théâtre du Rhin-Lag pour un spectacle qui mêle la danse hip-hop, c'est-à-dire la spécialité d'Ibrahim Sissoko, avec de la musique classique, c'est-à-dire votre monde. Ophélie Gaillard, vous êtes violoncelliste. Alors, comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés lors d'une présentation de saison. On était en résidence, tous les deux artistes en résidence à Aulnay-sous-Bois. Et puis, on nous a demandé de nous rencontrer. Ça aurait pu être une rencontre de plus, un peu bien sur le papier, mais... pas forcément avec du contenu exceptionnel. Et il a improvisé, sans qu'on se soit concerté, sur une sonate de Chopin. Et j'ai trouvé ça assez... incroyable de grâce, de compréhension, de mise en geste des sons que je produisais. Ça passe pas par la parole, ce genre d'alchimie avec un danseur, c'est assez rare. J'ai pas mal l'habitude de travailler avec des danseurs et chorégraphes, mais là, en l'occurrence, il y a eu cette densité, cette espèce de densité de matière tout d'un coup au cours de l'improvisation, et on a eu envie de déplier cette rencontre et puis d'en faire un spectacle. Et ce spectacle se donne jusqu'au 10 avril au théâtre du Rhin-Lac, c'est du mercredi au samedi à 21h, et le dimanche, c'est à 17h. Et pourquoi ça s'appelle en filigrane, Ophélie Gaillard? Parce qu'en filigrane de cette rencontre, il y a beaucoup de questions. J'essaie quand même de répondre à la vôtre, mais avant tout, on pose des questions, on s'interroge sur ce qui fait que deux êtres peuvent comme ça tout d'un coup avoir un coup de foudre artistique, amoureux, en venant d'univers a priori assez éloignés, même si on a tous les deux un respect, et même plus qu'un respect, un amour de la discipline de l'autre, et puis des musiques qui nous nourrissent. D'ailleurs, quand vous dites musique classique, je reste pas assis sur mon tabouret et je ne joue pas que de la musique classique dans le spectacle. Non, c'est-à-dire vous dansez, vous jouez, vous aussi, vous utilisez votre corps, vous disparaissez, puis, vous déshabillez, j'en dis pas plus. Ouais, tout ça, c'est bien sûr, c'est suggéré, ça reste effectif, mais ça reste quand même la rencontre de deux mondes qui ne se rencontrent pas dans la vie de tous les jours. En tout cas, trop rarement. Oui. Et je crois que le plateau est là aussi pour provoquer ce genre d'électrochoc. J'imagine que ça fait aussi se poser pas mal de questions à beaucoup. Moi, ça m'a donné surtout l'occasion de découvrir des musiques, de découvrir une énormément d'influences de musique traditionnelle, de m'emparer d'une balade africaine que, bien sûr, j'ai toujours aimé écouter comme ça dans la vie, mais que je pensais pas pouvoir restituer avec toute la saveur qu'elle peut avoir au violoncelle. Et ces saveurs-là, on a essayé de les cultiver et de faire cette sorte de nouvelle cuisine à deux qui est assez inédite, je crois. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé avant de trouver le rythme entre votre musique, votre manière de jouer de la musique et la gestuelle, les chorégraphies et le background musical d'Ibrahim Sissoko? Vous savez, c'est comme si on avait une sorte de grande marmite comme ça, et puis on apporte plein d'ingrédients différents, plein d'épices, plein de choses qui nous nourrissent chacun et qu'on a envie de faire partager à l'autre comme une sorte de trésor. Mais au fur et à mesure, est-ce que vous goûtez pour voir si la soupe goûte, est bonne? On goûte, on retravaille. Il y a beaucoup de choses qui se décantent. Il y a beaucoup de textes aussi qui nous ont nourris, de Genet à Éluard, en passant par Orsena, enfin beaucoup de... Et c'est des textes que chacun avait lu de son côté, ou c'est où vous avez découvert chacun l'univers littéraire de l'autre? Les deux, exactement. C'est-à-dire qu'on s'est approprié autant qu'on peut le faire, au-delà de la frontière des peaux et des corps, ce qui constitue l'âme et l'univers de chacun, en fait. Et puis on a essayé d'offrir ça à un public en se rendant compte que tout ce background que vous dites, cette espèce de tous ces textes, ces sons, ces sensations qui sont en filigrane dans le spectacle nous ont nourris. Et puis il y a aussi un travail théâtral, bien sûr, qui est assez nouveau pour moi, qu'on a fait avec Charles Gonzalez, et qui nous a poussé dans nos retranchements les plus lointains, dans nos replis intimes, pour essayer de mieux donner, de mieux partager. Alors, Ophélie Gaillard, vous avez déjà travaillé avec des danseurs, ça vous l'avez dit, avant cette rencontre, avant ce spectacle, en compagnie d'Ibrahim Sissoko. Vous avez par exemple travaillé avec Sidi Larbi Cherkaoui, Daniel Larieux, qu'on connaît très bien ici à France Culture. Est-ce que c'était le même rapport que vous avez eu avec Ibrahim Sissoko? Est-ce que c'était vraiment la musique rencontre la danse, ou là c'était en plus de la rencontre de deux arts, la rencontre de deux mondes? C'est encore plus la rencontre. C'était déjà le cas avec Cherkaoui, bien sûr, qui est aussi un peu à la lisière entre plusieurs mondes. dans son travail chorégraphique. Mais là, c'est encore plus le cas parce que, bon, à la radio, on ne peut pas le voir et puis malheureusement, il n'est pas là. Mais Ibrahim Sissoko a une présence physique absolument phénoménale qui est autant massive que dans la grâce, qui est très, très étonnant. Parfois, j'ai l'impression d'être plus lourde que lui alors que je pèse à peu près la moitié moins. Donc, c'est autant... oui, c'est plus la rencontre de deux mondes, peut-être. Et puis aussi, on a vraiment creusé assez profond pour en dire plus. Donc c'est plus qu'une rencontre comme ça qu'on peut faire dans le cadre d'une improvisation. Non, mais je veux dire par là qu'Ibrahim Sissoko est passé par le hip-hop, il passait par la rue avant que les portes des grandes scènes, des grands théâtres lui ouvrent la porte. Donc il a un côté je viens de la rue, je suis autodidacte, ce qui n'est pas votre cas. Ophélie Gaillard, vous avez eu une formation classique jusqu'à ce que vous décidiez effectivement de sortir de cette école pour former des collectifs de virtuoses de musique ou des collectifs avec d'autres arts, d'autres mondes. Bah, parmi les influences qu'on a eues dans le spectacle, il y a aussi Thérèse Davila, qui est une des premières, peut-être, qui s'est déchaussée et qui a été dans cette espèce de choses un peu non convenues, qui a poussé un peu des barrières, des frontières. Et je pense que... Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous invite. Hein, c'est la semaine Thérèse Davila. On est en train de fêter le 500e anniversaire de sa naissance. Pourquoi ? Parce que c'est tout sauf convenu et ça rue dans les brancards. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se déchausser, d'être plus ouvert au monde et en même temps, on est plein de surprises. C'est-à-dire que... Et cette spiritualité, vous la partagez avec Ibrahim Sissoko ? Il y a, je trouve, c'est très frappant en général quand on travaille avec un danseur, mais particulièrement avec lui, il y a une sacralité de l'espace scénique qui est absolument évidente pour moi quand je travaille avec lui, même si elle est tout à fait dépourvue de toute religiosité, bien sûr. En tout cas, on n'a pas forcément la même. Mais cette notion... Oh, mais Thérèse Davila, elle peut réunir tous les soufis musulmans, tout à fait, tous les juifs, les catholiques, enfin tout le monde. Hein, c'est au-delà des textes, des règlements à respecter. Complètement. Et la rencontre, je vous dirais même que si on va par là, la rencontre, les noces spirituelles entre Jean de la Croix et Thérèse Davila ne sont pas tout à fait très loin de notre spectacle comme source d'inspiration. Et alors justement, comment avez-vous découvert le monde, le château intérieur de Thérèse Davila, Ophélie Gaillard? Ben notamment par Charles Gonzalez qui nous a dirigés sur ce spectacle, qui l'incarne dans un solo en ce moment d'ailleurs à Vincennes. Et donc notamment par lui et puis par cet aspect, quand je disais noce spirituelle, il y a une dimension sacrée dans la rencontre amoureuse qu'on a essayé d'explorer avec Ibrahim, qui nous a un peu sauté au visage. C'est un peu inconfortable, mais on n'est pas là pour être dans le confort quand on fait ce métier. Ibrahim Sissoko n'est pas avec nous, mais merci d'être venu, Ophélie Gaillard, pour nous parler de ce spectacle qui se donne donc jusqu'au 10 avril au Théâtre Rhin-Lag en filigrane. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr et les réseaux sociaux habituels. Une émission réalisée par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Julien Doumanc. On se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée à Thérèse Davila. Bonne journée, dans un instant, les matins.